بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس السابع في شرح كتاب التوحيد. Bienvenue chers frères et sœurs pour ce septième cours dans l'explication du livre de l'unicité. Certes, on était arrivé au chapitre Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Le chapitre concernant le fait que celui qui concrétise et parfait son tawhid, alors il rentre au paradis sans jugement. Et aujourd'hui, le deuxième cours dans ce chapitre, on va finir le chapitre bi'idhnillahi ta'ala. On avait lu les deux premiers versets du hadith. Et il nous reste à voir donc les deux hadiths que l'auteur il cite après cela. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي. Selon Hussein ibn Abd al-Rahman qui dit j'étais auprès de Saïd ibn Jubayr. Et donc ici Hussein ibn Abd al-Rahman qui fait partie des tabi'in. Hussein ibn Abd al-Rahman qui fait partie des tabi'in. Et Saïd ibn Jubayr qui fait partie aussi donc des tabi'in, il fait partie des grands élèves d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et donc il était chez Saïd ibn Jubayr. Il dit donc, lequel d'entre vous a vu l'astre qui est tombé la nuit dernière? C'est-à-dire l'étoile filante. Lequel d'entre vous a vu l'étoile filante la nuit dernière? Il dit, moi. Moi, je l'ai vu. Cependant, je n'étais pas en train de prier. Je n'étais pas en train de prier, mais j'ai été piqué. Il se peut donc piquer par un scorpion ou une autre bête qui a un poison. Quand la femme a son art, il lui a répondu, donc, qu'as-tu fait? Il a dit, j'ai demandé qu'on me fasse une rukia. Ici, c'est cité Irtaqit. Irtaqit, c'est-à-dire, donc, on m'a fait une rukia. Mais dans une autre narration, il est stipulé, on m'a demandé, j'ai demandé à ce qu'on me fasse une rukia. Istarqit. Il lui a dit, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une rukia? Il dit donc, un hadith que nous a rapporté Al-Sha'bi. Un hadith que nous a rapporté Al-Sha'bi. Alors, Hussein ibn Abd al-Rahman, Saïd ibn Jubayr, il dit donc à Hussein, il lui dit, « Wa ma haddathakum ?» Et qu'est-ce que Al-Sha'bi vous a cité comme hadith? Alors, Hussein, il dit, « Haddathana an Murayda ibn al-Hussein, annahu qal, la ruqyata illa min aynin aw huma. » Et donc, il dit, il nous a rapporté, selon Burayda ibn al-Husayn, qui nous dit qu'il n'y a pas de rokia. On ne pratique la rokia que pour le mauvais œil et pour donc le poison, la piqûre empoisonnée. Alors là, Saïd ibn Jubayr, il a répondu à Hussein ibn al-Rahman en disant, certes, celui qui se suffit de ce qu'il a entendu a bien fait. Celui qui se suffit de ce qu'il a entendu a bien fait. Le hadith, il est long. Concrètement, ici, on a vu qu'une partie du hadith, mais on va s'arrêter déjà là pour voir les différentes leçons qu'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, donc, il y a ici, dans ce hadith, l'importance que les compagnons, ou l'importance que les tabi'in, ils accordaient à l'ikhlas. À l'ikhlas, le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Et dans cela, il y a le fait qu'ils n'aimaient pas qu'on cite d'eux ce qu'ils n'ont pas fait. Hein? Ils n'aiment pas qu'on cite d'eux ce qu'ils n'ont pas fait. La yuhibbuna an yuzkaru bima lam yaf'alu. Ils n'aiment pas cela. Contrairement, et cette caractéristique-là, le fait que quelqu'un aime être cité pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, cette caractéristique, concrètement, aux chers frères et sœurs, elle fait partie des caractéristiques des incroyants. Elle fait partie des caractéristiques des incroyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans son livre, il parlait des incroyants. Et il dit, « وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا » Et ils aiment qu'on leur fasse des éloges pour ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc ici, dans cette histoire, on a Hussein ibn Abdirrahman qui s'est fait piquer en pleine nuit. Alors il était debout, il était réveillé. Et certes, donc, lorsque Saïd ibn Jubayr, il a demandé « Lequel d'entre vous a vu l'étoile filante ?» Alors Hussein, lorsqu'il répond, il dit « Moi, je l'ai vu. » Mais par contre, il sait directement que si tu l'as vu, c'est que ben, tu étais réveillé à cette heure-là pendant la nuit. Et donc, si tu étais réveillé pendant cette heure-là, pendant la nuit, donc c'est peut-être parce que tu priais. Alors, il a voulu rejeter cela tout de suite pour que les gens ne pensent pas qu'il était en train d'accomplir un acte d'adoration. Alors, il a tout de suite précisé, il a dit « Moi, je l'ai vu, sauf que je n'étais pas en train de prier, mais j'ai été piqué. » J'ai été piqué. Et donc, ici, on voit l'importance aux chers frères et sœurs du Tawhid de ne pas chercher à montrer aux gens ce qui n'est pas vrai nous concernant. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné d'être juste dans nos propos. Wa idha kultum fa'dilu. Et lorsque vous dites, alors soyez juste. Et rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lima takuluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'inda Allahi an takulu ma la taf'alun. Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Cela est très détestable auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et donc le musulman doit faire attention à cela, de ne pas chercher à ce que les gens lui fassent des éloges. Ces éloges que les gens peuvent te faire, même si cet acte tu le fais réellement, ces éloges ne te seront d'aucune utilité. Alors que dire lorsque cela est faux, que tu n'as pas fait cela et que les gens te font des éloges? Il y a dans ce hadith aussi l'importance de la preuve. Ahamiyatu ad-dalil. Le fait qu'il est important que quand on fait quelque chose, on le fait avec une preuve. Pourquoi? Parce que Saïd ibn Jubayr, lorsque il a demandé à Hussein ibn Abdirrahman, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été piqué, alors qu'est-ce que tu as fait? Hussein ibn Abdirrahman lui a répondu en disant, j'ai demandé qu'on me fasse une ruqya. Alors Saïd ibn Jubayr, il lui a tout de suite dit, wa ma hamalaka ala dhalik, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? Quelle est ta preuve? Et donc, il est important, chers frères, qu'on comprenne cela dans notre religion, l'importance du dalil, l'importance de la preuve. Et certes, ceci est un fondement dans notre religion, que nous ne pouvons pas agir comme cela sans preuve, en ressemblant aux chrétiens. Car ce sont les chrétiens qui agissent sans science, donc sans preuve, sans preuve. Et c'est pour ça qu'ils ont été appelés dans le Coran « ad-dallun », les égarés. Et donc nous les musulmans, nous nous devons d'avancer dans notre pratique religieuse avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé ceux qui donc n'utilisent pas les preuves, ceux qui avancent et œuvrent sans preuve, comme il a blâmé les chrétiens et d'autres. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il nous stipule qu'il n'utilise que des conjectures. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Voilà tout ce qu'ils ont de la science. Ils ne font que suivre des conjectures. Il se peut que, il se peut que, il se peut que, il se peut que. Non, ne cherche pas, il se peut que. Cherche la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et donc nous nous devons, ô chers frères, de faire attention à cela. Tu n'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, mais les compagnons l'ont vu prier. Ils t'ont décrit comment il priait. Alors efforce-toi de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans la prière, dans le hajj, dans la zakat et le reste. Et donc il y a dans cette parole de Saïd ibn Jubayr l'importance de la preuve et aussi le fait qu'il n'est pas blâmable de demander la preuve. Certaines personnes, ils pensent que lorsque tu demandes une preuve à un cheikh, ils se disent c'est un manque de respect. Non, ce n'est pas un manque de respect. Nous devons demander la preuve. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, et donc il dit فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ كُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِ. Et donc, à ce moment-là, donc Hussein ibn Abdurrahman, il dit, c'est un hadith que Sha'bi nous a rapporté. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Il lui demande, وَمَا حَدَّثَكُمْ. Et qu'est-ce qu'il vous a rapporté? Quel est ce hadith? L'importance de la preuve, ô chers frères, ça ne s'arrête pas là. Dis-moi quel est ce hadith. Dis-moi quelle est cette preuve. Parce que les gens de la sunna sont accrochés à la preuve. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin » Dites, ramenez votre preuve si vous êtes véridique. Alors à ce moment-là, Hussein ibn Abdurrahman, il cite le hadith. Il dit « Hadithun haddathana na'am » Il dit donc « Haddathana an Buraydata ibn al-Husayn » Et donc il nous a rapporté selon, donc Sha'bi nous a rapporté selon Buraydah ibn al-Husayn qui dit la ruqyata illa min aynin aw huma. Et donc Buraida ibn al-Husayb, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici ce compagnon qui nous dit on ne pratique la ruqya que pour le mauvais œil ou un poison. On ne pratique la ruqya que pour le mauvais œil ou donc une piqûre ou un empoisonnement. Ici ce hadith, cette parole de Buraida ibn al-Husayb. Il y a d'autres narrations, d'autres chaînes de transmission qui rapportent cette parole jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'y a pas de problème en cela, ceci est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, on a Hussein ibn Abdurrahman qui a cité sa preuve. Il a fait une ruqya parce qu'il s'est fait piquer. On lui a demandé quelle est ta preuve, il a cité sa preuve. Et donc qu'est-ce qu'il répond à cela, Saïd ibn Jubayr? Il répond en disant qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Celui qui se suffit de ce qu'il a entendu a certes bien fait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayyuha al-ikhwa fi hadha ahammiyatu al-'amal bil-'ilm. Il y a dans cela, ô chers frères et sœurs, l'importance d'œuvrer avec la science. Ça y est, tu as la science. Tu œuvres avec. Et donc ici, Saïd ibn Jubayr, il fait l'éloge de Hussein ibn Abdurrahman en lui disant « Certes, celui qui agit avec ce qu'il sait a bien fait. » A bien fait celui qui agit avec ce qu'il sait, ce qu'il a entendu, la science qu'il a. Il a bien fait. Et donc ici, son acte n'est pas blâmable. Pourquoi? Parce qu'il a agi avec ce qu'il savait. Contrairement à certaines personnes qui vont agir avec toute ignorance. Ils ne savent pas et ils font. Tu leur demandes pourquoi tu fais, Allahu alim. J'ai vu un tel faire, je fais comme lui. Non, ce n'est pas comme ça. Il est important de ne pas suivre les gens aveuglément. Rappelez-vous les preuves de la tombe. Lorsque les anges diront à cette personne dans la tombe, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Man ar-rajul alladhi bu'itha fikum, quel est l'homme qui a été envoyé chez vous? Donc, quel est votre prophète? Et donc, le musulman, le croyant, répondra correctement à ces questions. Quant à l'incroyant, il dira, donc l'hypocrite, il dira, « Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fakultuhu. » Il dira, « Ha ha ha, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors j'ai dit comme eux. » Et donc, nous devons, chers frères, d'agir avec la preuve. D'agir avec la preuve, de suivre les preuves, et donc de ne pas suivre comme ça aveuglément. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et il y a aussi en cela l'incitation à apprendre la religion. Car effectivement, tu ne peux pas suivre la preuve, tu ne peux pas œuvrer avec la science si tu n'apprends pas ta religion. Il faut que tu œuvres, il faut que tu apprennes ta religion, cela est très important. Voilà pourquoi, comme on l'a vu dans le cours d'aujourd'hui à la mosquée, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui fut interrogé, quelles sont les meilleures œuvres? Il a dit, « Dhikrullahi Akbar », le rappel d'Allah est plus grand. Quelles sont les meilleures œuvres? Le rappel d'Allah est plus grand. Il n'y a aucun groupe de personnes qui se réunissent dans une demeure à réciter le Coran et à l'étudier entre eux sans que les anges ne les couvrent de leurs ailes, ne leur fassent de l'ombre avec leurs ailes. Et tant que ces gens restent dans cette assise, ils sont les invités de Ar-Rahman, d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Et donc, il est important, chers frères, qu'on apprenne notre religion. Et donc, ici, Saïd ibn Jubayr, il a donc dit à Hussein ibn Abdelrahman, certes, a bien fait celui qui se suffit de ce qu'il a entendu. Mais il ne s'arrête pas là, Saïd. Après cela, il lui dit, ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الله أكبر سعيد بن جبير. Il dit donc à Hussein, il lui dit, certes, celui qui se suffit de ce qu'il a entendu a bien fait. Tu as fait une ruqya, tu as demandé qu'on te fasse une ruqya parce que tu t'es fait piquer et tu as une preuve par rapport à ce que tu avances une preuve par rapport à cela. Naam, c'est bien. Mais Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il nous a rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, les communautés m'ont été présentées. Alors, j'ai vu un prophète qui avait avec lui Ar-Rahtu. Ar-Rahtu, c'est un nombre compris entre 3 et 9 personnes. Donc, un prophète, il n'y avait pas avec lui grand monde. Et j'ai vu un prophète qui avait avec lui un ou deux hommes. Et j'ai vu un prophète qui n'avait personne avec lui. Et c'est alors qu'un grand nombre de personnes, sawadun azim, un grand nombre de personnes m'a été présenté, m'a été montré. Alors j'ai pensé que c'est ma communauté. Il me fut dit, ceci est la communauté de Moussa. Ceci est Moussa ainsi que sa communauté. Alors j'ai regardé, et c'est alors qu'un autre grand groupe de personnes. Et il me fut dit, ceux-ci sont ta communauté. Et il y a parmi eux 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Allahu Akbar. Sans jugement ni châtiment. Et donc ici, on n'a toujours pas fini le hadith, car comme je vous ai dit, il est long, mais il y a encore des points très très importants à noter. Parmi ces points-là, et donc ici, Saïd ibn Jubayr, il connaissait quelque chose qui était meilleur que ce que Hussein ibn Abdelrahman a fait. Mais il lui a dit à Hussein, ce que tu as fait c'est bien parce que tu as utilisé la preuve que tu avais. Mais par contre, il y a une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appelle à quelque chose qui est meilleur que ce que tu as fait. Et donc ça nous montre que les salafs, les pieux prédécesseurs, ils accordaient une grande importance à faire ce qui est meilleur. À faire ce qui est de ce qu'il y a de mieux pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est comme ça que nous devons être. Nous devons nous efforcer de faire ce qu'il y a de mieux pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal, il nous appelle à la concurrence. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Et c'est dans cela que les concurrents doivent se concurrencer. Et donc nous devons chercher, nous efforcer à faire ce qu'il y a de meilleur. Rappelez-vous ce que je vous ai cité, donc le hadith, donc le Fr ibn Abbas, dans Moussadnaf ibn Abi Shayba, ibn Abbas qui fait interroger, quelles sont les meilleures œuvres? C'est parce que la personne, elle voulait savoir quelles sont les meilleures œuvres, qu'est-ce qu'il y a de meilleur à faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, il fut interrogé, quelles sont les meilleures œuvres? Rappelez-vous ce hadith où il répond sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu fi waqtiha, la prière à son temps, ce qui est voulu en début de son temps. Et donc il est important, donc les frères, qu'on s'efforce à faire ce qu'il y a de mieux dans notre religion. De la même façon que certaines personnes, ils s'efforcent de faire ce qu'il y a de mieux pour la dunya. Pour la dunya, tu les verras concentrés, on fait ce qu'il y a de mieux. Oui, j'ai mon projet économique, il faut qu'il soit comme ça, il faut tout préparer, etc., etc. Il va vraiment faire ce qu'il y a de mieux pour sa société. Taïb, est-ce que pour Allah Azza wa Jal, tu fais ce qu'il y a de mieux? Ça, c'est une question dont nous devons tous nous poser, que nous devons tous nous poser. Et donc, dans ce hadith, donc Saïd ibn Jubayr, il nous cite ce hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les communautés lui ont été présentées. Il a alors vu un prophète qui avait avec lui un petit nombre de personnes, entre 3 et 9, et un prophète qui avait avec lui entre 1 et 2 personnes, et un prophète qui avait avec lui qui n'avait avec lui personne. On comprend quoi de cela, ô chers frères? C'est que la vérité ne dépend pas du nombre. La vérité ne dépend pas du nombre de personnes. Mais la vérité dépend de la preuve. Est-ce qu'on va dire que ces prophètes sont égarés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes avec eux? Non. Ils sont sur la vérité. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les a envoyés. Et tous ceux qui n'ont pas cru en eux sont dans le faux, même s'ils sont plus d'un million. Le nombre ne fait pas la vérité. Nous ne devons pas nous laisser leurrer par le grand nombre d'égarés. Nous ne devons pas nous laisser leurrer par le grand nombre de personnes qui s'accrochent au faux. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majeure partie de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. In yattabi'una illa dhann. Ils ne font que suivre les conjectures. Et donc, il est important, chers frères, qu'on s'accroche aux preuves et on ne cherche pas « Ah, mais c'est vrai, on n'est pas nombreux. Ah, c'est peut-être qu'on est égaré. » Non! Ce n'est pas le nombre qui fait la preuve. Ce n'est pas le nombre qui fait que tu es sur la vérité, mais c'est la preuve. Rappelle-toi cette parole d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Al-jama'a man kana ala al-haq, walau kunta wahdak. La jama'a, c'est celui qui est sur la vérité, même si tu es seul. Même si tu es seul. Et donc, il est important, chers frères, qu'on fasse attention à cela, à ne pas nous laisser leurrer par le fait que, ben, parfois, dans certains endroits, les gens qui suivent la vérité sont moins nombreux que les autres. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, souvent dans le Coran, il blâme le grand nombre. Il blâme la grande majorité. Comme le verset qu'on a cité précédemment. Aussi, dans ce hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit donc qu'il a vu un grand nombre de personnes, il a pensé que c'était sa communauté, mais on lui a dit, ceci est Moussa ainsi que sa communauté. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont cru en Moussa alayhi salam. Donc, la communauté de Moussa, il y a beaucoup de personnes. Mais ensuite, il y a la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a aussi énormément de personnes. Et il y a parmi eux, Saba'ouna al-Fan, 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et ça, c'est énorme. Et ça, ça montre les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a un autre hadith où Allah tabaraka wa ta'ala a augmenté ce bienfait. Avec chaque 1000, il y a 70 000. On rajoute 70 000 tous les 1000. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, ô chers frères, ce sujet est un sujet important. Si on sait que il y a certaines personnes qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, mais nous devons nous demander, mais qui sont ces gens-là? Comment font-ils? Certaines personnes ne cherchent pas à savoir qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Je le veux. Et c'est là qu'on a la suite du hadith. Le prophète, donc, ici, on a Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui dit « Thumma nahada fadakhala manzilahu ». Donc, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il est rentré chez lui. « Wa khada an-nasu fi ulaik ». Alors, les gens ont commencé à parler de ceux-là, donc les 70 000, à se demander « Qui sont ces 70 000 ?» On veut savoir. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Certains ont dit, il se peut que ce soit ceux qui ont accompagné le prophète, ceux qui étaient les compagnons du prophète, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il se peut que c'est eux les 70 000 et plus 70 000, tous les 1000. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ. Et d'autres ont dit, il se peut que ce soit ceux qui ont grandi dans l'islam. Ils sont nés dans une famille musulmane et ils ont donc grandi dans l'islam, fait la yushriku billahi shay'an, et qu'ils n'ont donc pas fait de polythéisme. Contrairement à celui qui est converti à l'islam, donc qui a lui, avant sa conversion, a fait du polythéisme. Et donc certains compagnons ont dit, il se peut que ce soit ça, ceux qui ont grandi dans l'islam et donc qui n'ont pas fait de polythéisme. Et donc ils ont fait des propositions. Ils ont cherché à savoir qui est-ce. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est un sujet important. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالْ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الله أكبر. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم, il est sorti et ils l'ont informé de cela, donc de leur divergence, qui sont ceux-là, qui sont ces 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya, qui ne pratiquent pas la cautérisation et qui ne croient pas à l'augure. Et c'est en leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. C'est en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم. عكاشة ابن محصن il s'est levé, il a dit invoque Allah pour qu'il me place parmi eux. Alors il a dit صلى الله عليه وسلم انت منهم, tu fais partie d'eux. ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم. Alors un autre homme s'est levé et a dit invoque Allah qu'il me place parmi eux. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a précédé par cette demande. C'est bon. Et donc, ô chers frères et sœurs, il y a énormément de points importants à voir dans ce hadith. Ce hadith, il est long, j'ai résumé. C'est-à-dire que le hadith, on l'a vu entièrement, mais il y a des points qu'on n'a pas beaucoup détaillés afin de se concentrer sur l'essentiel. Et donc on a cité les propositions que les compagnons les ont fait. Ensuite, lorsqu'ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur discussion, il leur a cité donc quelles sont les caractéristiques de ces 70 000 personnes qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Ce sont les personnes qui ont concrétisé le tawhid. Les personnes qui ont concrétisé le tawhid. La yastarqoun. Ils ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya. Allahu Akbar. Est-ce que le fait que tu ne demandes pas qu'on te fasse de ruqya, ça veut dire que c'est interdit? Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. En sachant que il se peut que ça soit interdit si ce sont des ruqyas qui ne sont pas légiférés. Parce qu'il y a des ruqyas qui sont légiférés et d'autres qui ne sont pas légiférés. Si tu demandes une ruqya qui n'est pas légiférée, ça, c'est interdit. Et ça, on le verra, inshallah ta'ala, lorsqu'on verra le chapitre lié au ruqya, inshallah ta'ala. Et donc, parmi les caractéristiques de ces gens-là, il y a le fait qu'ils ne demandent pas de ruqya. Si quelqu'un vient à toi et te propose une ruqya, tu n'as pas demandé qu'on te fasse ruqya, mais on t'a proposé, viens, je te fais une ruqya, tu es malade, laisse-moi t'aider, je te fais une ruqya. T'a-t-il permis d'accepter? Ou alors, est-ce que c'est bien d'accepter? Est-ce que c'est contraire au tawakkul, au fait de mettre sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'il y a un mal à accepter cette demande? Non, il n'y a pas de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade, il a accepté de Aïcha, radiallahu anha, qu'elle lui fasse une ruqya. Il a accepté de Aïcha, radiallahu anha, qu'elle lui fasse une ruqya. Et aussi, on a Jibril, alayhi salam, qui a fait la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y a pas de mal ici. Si quelqu'un te propose de te faire une ruqya, il n'y a pas de mal à ce que tu acceptes que la personne te fasse une ruqya. Et bien entendu, les conditions de la ruqya, inshallah ta'ala, ça c'est un sujet très important, mais je ne veux pas qu'on le détaille maintenant, surtout qu'on a un chapitre spécifique sur les ruqyas. Voilà pourquoi je vais essayer de ne pas trop détailler ici. Pourquoi? Parce qu'on a un chapitre un peu plus tard, spécifique, concernant les ruqyas, inshallah ta'ala, et on verra tout cela, définition de la ruqya, les conditions de la ruqya interdite, la ruqya légiférée, etc. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en fait, il est mieux de ne pas demander qu'on te fasse une ruqya. Si tu le fais, ce n'est pas interdit, mais il est mieux de ne pas demander qu'on te fasse une ruqya, afin que tu fasses partie des 70 000. Taïb, les savants, ils ont été interrogés. Est-ce que si une personne, elle ne connaissait pas ce hadith, elle ne connaissait pas le jugement, et elle a demandé qu'on lui fasse ruqya, puis elle est au courant de ce hadith, est-ce que par la suite, si cette personne, elle arrête, elle ne demande plus, elle demande pardon à Allah, tabaraka wa ta'ala, etc., cette personne, est-ce qu'elle peut faire partie des 70 000? Les savants, ils ont répondu à cela que, naam, cette personne peut faire partie des 70 000, inshallah ou ta'ala, on espère cela. Et donc, il y a dans ce hadith aussi le fait que ces gens-là ne pratiquent pas la cautérisation, le fait que ces gens-là non plus ne croient pas à l'augure. Et cela, on le verra aussi dans les détails, Inch'Allah ta'ala. Et donc, ces gens-là, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique énorme? Eh bien, c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il cite à la fin. Il nous dit, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et c'est en leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. Subhanallah. Les frères, on a beau dire aux frères, faites la hijra, faites la hijra, faites la hijra. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous empêche de faire la hijra? Qu'est-ce qui nous empêche de faire cette hijra? Certains ont fait la hijra avec beaucoup d'argent, d'autres ont fait la hijra avec peu d'argent, avec très peu d'argent même. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité, leur a permis de s'installer dans un pays musulman. On a des compagnons qui ont tout donné, certains qui ont tout donné pour pouvoir faire la hijra. Aujourd'hui, c'est le contraire. On cherche à économiser pour pouvoir faire la hijra. Certains compagnons ont donné leur argent pour pouvoir faire la hijra. C'était le contraire. Il part sans rien. Et sa condition, c'est quoi? Tenez, prenez mon trésor, prenez mon argent. Afin de pouvoir faire la hijra. Lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, Rabihat tijaratou, ton commerce a été fructueux. Ton commerce a été fructueux. C'est ça un commerce fructueux. C'est un commerce qui perdure. Tu regardes dans l'au-delà. Et donc ces gens-là, ils ont cette caractéristique laquelle وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. C'est en leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. Mets ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et n'aie pas peur. N'aie pas peur si tu n'as plus la carte vitale là-bas, si elle ne fonctionne plus là-bas. N'aie pas peur. N'aie pas peur si tu n'as pas un salaire avec des euros là-bas. N'aie pas peur. Mets ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Ton Seigneur qui est ici en France, c'est le même qui est là-bas. Dans un pays musulman, c'est le même. Celui qui t'accorde ta subsistance ici, c'est celui qui t'accorde ta subsistance là-bas. Qu'est-ce qui nous freine alors? وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. C'est en leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, combien de fois il nous appelle à mettre notre confiance en lui? وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Et plusieurs versets qui vont dans ce sens. Et donc, il est important, chers frères, qu'on s'efforce d'avoir cette caractéristique énorme. Le fait de placer notre confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de concrétiser le tawhid. Celui qui ne place pas sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas concrétisé le tawhid. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « لَوْ كُنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لِرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ. » Si vous mettiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. « تَعْدُ خَمِيسَ وَتَعُدُ بِطَانَا. » Cet oiseau qui part avec le ventre vide et qui revient avec le ventre plein. Et donc, il est important, chers frères, barakallahu fikum, que nous mettions notre confiance, nous placions notre confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.